Facebook, c'est pas vrai. Connerie de Facebook, chef. Pourquoi vous restez là à promettre votre temps, les mecs, quand on peut être en train de faire des jeux vidéo? Putain, fais chier Facebook, quelle merde. Facebook, c'est trop bien. On se fait des tonnes de copains. Facebook, c'est pratique pour communiquer en permanence. Ça veut dire, mais ça passe. Du matin, mais juste un soir.